Dixon. Paris fait que je suis pisté, mais t'inquiète, ils arriveront pas à me trouver. Car moi je fais que l'épiner avec ma zemasse de liasse d'air grasse. Moi c'est Faf, alors fais tourner une taf. Maintenant pour une limitation de vitesse, tu prends ce cas parfait. Où tu vas, tu lèves la tête, tu vois une flic ou une fliquette, habillant ta pète. Même chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Pour un chichon, tu vas en prison. Pour finir la garde à vue, moi je leur pisse tout dessus. Maghrébin, maghrébine, on tombe en perpète la win. Pour un sachet d'héroïne, et on est tous muslimines, alors amine. C'est un soir que je me prépare, un truc noir, un départ, sortir le gun de l'arme en présenté comme un barbare. Pour foutre chez toi un gros bazar, c'est-à-dire avoir la gloire. Une chose que tu peux pas croire, tu dis même, c'est un cauchemar. Pourquoi débarquer chez mon frère aussi tard? Lui mettre des coups de barre et l'envoyer au mitard. Je même plus la voir, juste le voir, parler avec au parloir. Te voilà dans un spétard. Je vois ma mère et ses larmes, je vois mon frère dans ce drame. Je vois sa femme qui l'acclame, une voix qui me dit de le mettre en flamme. Ce mec à qui je rêverais de lui enlever son âme. On est tous là pour le même thème, et s'il doit parler des gens qu'on aime, y'a plusieurs histoires de fous pour une meuf, une connerie ou des sous. J'en ai retenu qu'une chose, c'est que personne te vient en aide, il t'offre ton billet pour la farlette comme mon pote. Que je vais représenter victime de ces sales enculés. Ma soeur il l'a sauvé, et c'est lui qui est condamné, je comprends plus. Si ça le connaît, une 306 va cramer. Faudra pas s'étonner, il va retourner à l'hôpital, faudra pas venir pleurer. Ce qu'on il a cherché la merde et il a trouvé sa jante poumon. J'espère qu'il a souffert avec un petit opinel, on sait faire. La vengeance va arriver. Tu vas croire tu l'as rêvé. Pas une sans une vérité. Ni un mensonge mais un vrai effet. Comme une éponge tu vas mouiller. Face à cette inégalité où le négro est condamné. Et le paillot en liberté. Pour la famine. La vengeance va arriver. Tu vas croire tu l'as rêvé. Pas une sans une vérité. Ni un mensonge mais un vrai effet. Comme une éponge tu vas mouiller. Face à cette inégalité où le négro est condamné. Et le paillot en liberté. Pour la famine. C'est quoi, j'oublie pas tout cet arbat qui a fait du mal à mon pote d'en bas. Qui maintenant est en prie, et on prie tous pour lui. Devinez que dans les hôpitaux, faut des crèves sitôt, ce putain de facho. Toute façon, missile 83, va leur mettre un coup de couteau dans le dos. S'il nous faut du temps, il faut retire ta plainte, ta pète. Avant que je te plante, sale gros, toi qui raciste, toi t'es négro. Là, vous avez Hagar, un pote défense, pas n'importe lequel. Le pire c'est qu'à plusieurs, mais tu vas voir tes séquelles. Asba, on va te bouiller la pizzeria, ancienne Casamia. Laisse, maalich, fais tourner la chiche. Ouais. Sortez la lame, collure et ses lames. Crame le resto Cosman, salade. Viens déclencher la lame pour le vrai numéro des groupes. Le fils de pute en dessous, putain de te faire. Je viens crier la rancœur car on dit qu'à moi. C'est pas long et qu'il n'a que ce qu'il mérite. Mais tu vois pas le temps en prison, vas-y médite la vengeance. Sera bientôt, voilà, c'est juste brûle, Casamia. J'encule, ce serait les pliards.